Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, même formule que dimanche dernier, soit une émission entièrement consacrée à l'information. D'abord, quelques infos, puis quelques-uns des titres inédits qu'ont prévu de nous offrir les éditeurs en juin. Chez ActuSF est sortie une interview de George R. R. Martin ainsi qu'un long entretien audio avec Philippe Drouillet. Voir www.actusf.com. Les nombreuses vies de Conan, de Simon Salahoudjas, paru chez Les Moutons électriques, a décroché le Valugin Award aux États-Unis, prix récompensant des publications au Wardian. Jean-Pierre Planck a publié une 240e nouvelle sur son site. Intitulée « La recrue », elle est signée Andrea Viscosi. Voir page perso, redignon orange.fr, /jplanck/. Sur le même site, il publie « Commando » de Noé Gaillard. Jean-Pierre nous mentionne également que sa nouvelle « La vie et la mort des cigales » se retrouve au sommaire de la revue « Le cahier du baratin » spécial métamorphose. Voir www.calameo.com/read/00341449984073b5 en espérant que ce soit plus facile de retrouver sur le site même, donc www.calameo.com/read. Je sais que tu es seul. Ce n'est plus la plus belle fille du lycée, ni la plus populaire. Pourtant, elle est unique. Elle a le don de prémonition. Depuis que Jacob n'est plus là, Lucie est désespérée. Les cauchemars sont revenus. Pire que tout, une voix hante ses mauvais rêves. Chaque nuit, c'est le même murmure. Trouve celle qui partage le même don que toi. Lucie n'a pas le choix, elle doit chercher la mystérieuse inconnue. Sans savoir qu'une fois la jeune fille retrouvée, une terrible épreuve l'attend. Rouge souvenir de Laurie Faria Stolarz est l'inédit du mois chez Albin Michel Jeunesse. Il s'agit du volume 4 du cycle Bleu Cauchemar. Chez Bélial, on propose Le chant du barde de Paul Anderson, sous-titré Les meilleurs récits de Paul Anderson. On y trouve Sam Hall, Long cours, traduction de The Longest Voyage, Jupiter et les Centaures, traduction de Call Me Joe, Pas de trêve avec les rois, traduction de No Truce with Kings, Le partage de la chair, traduction de The Sharing of Flesh, Destin en chaîne, traduction de The Fatal Fulfillment, La Reine de l'air et des ténèbres, traduction de The Queen of Air and Darkness, Le chant du barde et Le jeu de Saturne, traduction de The Saturn Game. 700 pages pour 26 euros. Trois inédits ce mois-ci à la Bibliothèque interdite. Feu croisé de Matt Ferrer, Les rivages brûlants de Robert Hull et Salamander de Nick Kim. Quatre inédits chez Bragelonne pour juin 2010. The Cubs Heat de Richelle Mead, volume 4 de Georgina Kincaid. Jocka Ross de Terry Brooks, volume 1 du cycle Shannara le Haut Druide. L'héritier de l'automne de Carwin et Fonestock, tome 1 de Le Cœur des Gemmes. Et un essai signé Elsprague de Kemp, Les pionniers de la fantasy. À la fin de Luna Park, Elise et Jappy ont mené à terme leur mission. Faut maintenant rentrer sur Terre. mais Élise a d'autres projets pour Kassar, Lison et Djabi. Même si leur passage sur la Lune ne fera pas que des heureux, les jours qui suivent risquent d'être fertiles en émotions brutes. Sur la base orbitale Xiao, elle retrouve ses amis Diego, Dagenet et Seb Aubry. Ensemble, ils préparent une action dont les journalistes diront certainement qu'elle est antidémocratique. Enfin, libre de tout, même de sa progéniture, Élise s'ouvrira au monde et redeviendra la femme de force qu'elle a toujours été. Volume 3 du cycle Élise, La phalange des avalanches, est signé Benoît Boutillette et est publié chez Coup de tête. 164 pages pour 10 euros. Également chez cet éditeur, Le corps de la Deneuve de Maxime Catellier. Chez Dystopia sort un recueil de nouvelles, Barayougoï, Sept autres lieux, par Léo Henry et Jacques Micheli. Chez Fleuve Noir, quatre inédits dans les genres qui nous intéressent en juin. Perry Rodden, numéro 264, L'Alliance des Galactes, Ordre 66 de Karen Travis, roman qui s'inscrit dans la saga Star Wars, La saison des traites de Daniel Abram, dans la collection Rendez-vous ailleurs, et Vamp in Love, saison 3. Lorsque l'enquêteur impérial Soz quitte la Marche du Nord, il laisse derrière lui la jeune et belle écorce de bouleau, la fille de l'ours noir. Celle-ci porte en elle le fruit de leurs amours, un enfant appelé à de grandes responsabilités. De sa naissance, réveil du cœur déchaîne sur lui des forces ténébreuses et hostiles. Leur but est de l'éliminer et de l'empêcher ainsi d'être le sauveur de la forêt qui abrite le peuple Luxun depuis toujours. Les sbires de Morgarth Priak veulent éviter à tout prix qu'il devienne l'enfant sorcier de Sinaan. Ainsi, nous présentons le volume 5 de « Les chroniques de l'Empire » de Georges Fauveau. Disponible en juin chez Gallimard. Jeanne A. Debat fait paraître chez Griffes d'encre « Stratégie du réenchantement », un recueil de nouvelles. Sept longues années se sont écoulées depuis la fin tragique de l'aventure qui nous a opposés au comte Dracula, moi, Mina Harker, mon mari Jonathan et trois de nos amis. Et pourtant, je me souviens de chaque trait de son visage, de chaque muscle de son corps, comme s'il n'avait jamais cessé de m'étreindre. Aujourd'hui, je ne peux plus supporter le poids de la culpabilité et je me dois d'écrire ce qui s'est réellement passé. Loin du monstre qu'il pouvait être parfois, il était aussi un homme magnifique, d'une beauté terrifiante et d'une intelligence remarquable. Je l'ai aimé au premier regard, d'une passion dévorante, charnelle et interdite. Et j'aime à croire que cet amour incendiaire fut partagé. Voici mon journal intime, voici la véritable histoire de Dracula. Publié chez Hachette Jeunesse, Dracula, mon amour, est signé Siri James, 552 pages pour 18 euros. Chez le même éditeur, La seconde et courte vie de Brie Tanner par Stéphanie Meyer. Ce titre s'intègre dans le cycle Fascination. Deux inédits en juin chez J'ai lu. D'abord, Les chasseurs de rêves de Sherilyn Kenyon, tome 11 de Le cercle des immortels, et Le prince de l'ombre de Christine Feyen, volume 1 de Les seigneurs des Carpates. La Troisième Guerre mondiale a eu lieu. 4400 survivants se sont réfugiés dans un bunker souterrain. 100 ans après que les premiers hommes en sont sortis pour poser les bases d'une nouvelle civilisation, ils ont établi une société où les individus sont éclipsés au profit du groupe. Toute forme de création artistique et d'expression singulière est interdite. Les émotions sont devenues factices. Les affinités amoureuses et amicales sont programmées à la naissance. Un ordinateur central produit des chansons et des films de propagande agissant directement sur le système nerveux central. En parallèle, une communauté clandestine s'est installée dans les catacombes, en Patica. Omega, son prophète, au risque de troubler l'ordre public, prône l'importance de créer par soi-même et le primat des sentiments véritables. Parviendra-t-il, accompagné de Rose qui l'a initié, à renverser le système? Omega et des animaux mécaniques est signé Alexandra Varin et publié chez Leo Shear. 210 pages pour 17 euros. Les moutons électriques publient Fin du monde de Julien Bétan et Raphaël Coulson, ainsi que le numéro 135 de la revue Yellow Submarine. Le volume 3 de Les gardiens de G, Le souffle des aïeux par Pierre Grimbert sort en juin chez Octobre. 18 euros. Danny Valentine, tempérament de feu et nerf d'acier, est nécromancienne. Elle loue ses services aux plus offrants et ressuscite les morts comme personne. Pourtant, elle se serait bien passée de ce contrat avec Lucifer lui-même. Mais comment refuser et espérer rester en vie? Engagée pour tuer le fugitif Santino, démon de son état, Danny se voit affublée pour garde du corps d'un autre démon en qui elle n'a pas confiance et de deux médiums. Cela dit, dans cette affaire, ce n'est pas d'amis dont elle a besoin, mais plutôt d'un miracle, car la dernière fois qu'elle a rencontré l'invincible Santino, elle a failli mourir. Ainsi nous présentons Le baiser du démon de Lilith St. Crow. Il s'agit du premier tome du cycle Danny Valentine. C'est chez Orbit. Également chez Orbit, Isaac, le blanc regard de Tom Lloyd, volume 1 de Une ère de pénombre. Quand les dieux ont quitté le monde, ils y ont laissé les blancs regards, des hommes plus forts, plus charismatiques et plus puissants que les autres, des guerriers. Le jeune Isaac est l'un d'entre eux. Mais avec ses pouvoirs, il a aussi hérité d'un caractère imprévisible et d'une rage difficilement contenue. Craint et méprisé, il rêve d'une place dans l'armée et d'une chance de vivre sa vie. Pourtant, les dieux ont d'autres plans pour cet impétueux adolescent. Car une époque de troubles s'annonce et le temps est venu de forger des empires. Sur les terres reculées du domaine de Kreuzberg, une ombre étend son influence maléfique jusqu'entre les murs du manoir Kramer. Afin de préserver les siens d'une menace plus funeste encore que la mort, le maître des lieux n'a d'autre recours que demander l'assistance d'experts en vampirisme. En ce crépuscule du 19e siècle, la famille de la Carme, un clan issu d'une longue lignée d'érudits en occultisme et surnaturel, fait figure de référence dans la chasse au Nosferatu. Lorsque Gérald de la Carme arrive en Allemagne, il est cependant loin de se douter de la sombre aventure qui l'attend, car le mal qu'il est censé combattre rôde déjà dans les couloirs de la demeure, insidieux, impie. Surtout, il y a la belle Marion Kramer, si mystérieuse, qui lui chavire le cœur à en perdre la raison. Partagé entre ses tendres sentiments et l'importance cruciale de sa mission, le jeune homme va s'immerger dans le plus terrifiant des cauchemars. C'est Stéphane Soutoul qui signe cette histoire, tome 1 de Le cycle des âmes déchues, publié chez Le Petit Caveau. Publié par PG Com Édition, Sombre Lagune est signé Valérie Bettencourt. Un seul inédit prévu chez Pocket en juin, La salle des ossements de David Farland. Il s'agit du volume 4 de Les seigneurs des runes. Chez Le Pré au Clair ce mois-ci, Grimoire des loups-garous d'Edouard Brassé. Futurs intérieurs 1 est signé Gérard Klein. Et c'est chez Robert Laffont, collection Ailleurs et Demain. Et voilà. Merci de votre attention. À bientôt.